Ikobanyanga. Innocent Abimonimana sur la mise en onde. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce lundi 25 octobre 2021. Donc voici d'abord le sommaire. Des coups de feu ont été entendus dans la nuit d'hier au bord de la rivière Rusizi sur la colline Karunama 3 de la zone des provinces Chibitoke. Des sources policières indiquent qu'il s'agissait des bandits armés en provenance de la RDC qui tentaient de voler le gros bétail. Les graines de maïs collectées par l'État sont en vente à l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire en Agessa en sigle à 970 francs le kilo, a annoncé dans un point de presse ce lundi le secrétaire permanent au ministère ayant l'agriculture dans ses attributions. Et la chronique sportive de ce lundi nous parlera des critères exigés pour devenir l'arbitre du kung-fu. Bienvenue à cette édition. La mise en onde est assurée par Innocent Abimonimana. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Des coups de feu ont été entendus dans la nuit d'hier au bord de la rivière Rusizi sur la colline Karurama 3 de la zone province Chibitoke, indiquent les sources policières sur place. Le commissaire provincial de police en cette province indique qu'il s'agissait des bandits armés en provenance de la RDC qui tentaient de voler le gros bétail qui campe au bord de la rivière Rusizi. Une femme âgée d'une soixantaine d'années a été assassinée dans la nuit de ce dimanche sur la colline zone Mugendo en commune d'Ontega dans la province de Kirundo. Selon l'administrateur de la commune Nega, Jean-Pierre Banzabungabo, la victime du nom de Namwishimiro Marie aurait été tuée avant qu'elle soit violée. Sur son corps, il y avait des blessures, ce qui montre qu'elle a été poignardée. L'administrateur de cette commune demande la retenue de la part de la famille et de la victime et demande à la population de cette localité de pointer du doigt à toute personne qui pourrait connaître les mobiles de cet acte. Le Sénat burundais vient d'approuver deux noms au poste d'ambassadeur. Il s'agit de l'ambassadeur Willy Nyamitwe et du général de brigade Nirameba Mwamba Gricol. Tous ont été approuvés à l'unanimité par 39 sénateurs. Ces noms ont été présentés par l'ambassadeur Albert Shingiro, ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération. Une courte pause. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le domaine des marchés publics figure parmi les droits de l'homme concernant les droits économiques. Au cours d'une session de renforcement des capacités des intervenants en matière des marchés publics au niveau de la justice à Karusi ce lundi, Dr Sixte Vigny Nimuraba, à la tête de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, explique que les avocats de l'État et les responsables des cellules de gestion des marchés publics nécessitent l'approfondissement des notions en rapport avec les marchés publics compte tenu de leur formation juridique. Suivez Dr Sixte Vigny Nimuraba au micro de Jean de Dieu Irakote. Si on parle des droits de l'homme, ce ne sont pas seulement des droits socioculturels. Il y a des droits, ce ne sont pas seulement les droits politiques, mais il y a les droits économiques et socioculturels. Et aujourd'hui, on s'est penché sur le marché public car ça se trouve dans cette catégorie des droits économiques. Comme vous le savez, les Burundais ne peuvent pas se développer si leur économie n'est pas bien gérée. Et la gestion des marchés publics va contribuer à bien suivre les intérêts de l'État et à bien les défendre. Ça va aussi contribuer à la passation, à la procédure de passation des marchés, mais aussi à l'exécution des marchés, et ce qui va permettre que les biens ou la richesse du Burundi soient bien sauvegardés. Et ça va leur permettre d'avoir des connaissances supplémentaires. Vous savez que les formations dans le secteur juridique, et ça n'a pas vraiment nécessairement approfondi les notions en rapport avec le marché public, alors qu'ils sont censés être les protecteurs de l'État et les protecteurs des biens de l'État. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec ce renforcement de capacités, ils vont avoir des connaissances plus approfondies dans la passation des marchés, mais aussi dans l'exécution du marché, ce qui va leur permettre de bien suivre les dossiers qu'ils sont en train de traiter ou qu'ils pourront traiter dans dans le futur. Ça va aussi contribuer à la lutte contre la marginalisation économique, mais aussi les cas de fraude. Donc, on sait que si le marché est bien passé, il y aura une incidence positive sur la vie des Burundais. C'était la docteur Sixte Vinini Muraba, président de la CNDH. Les chiffres des abandons scolaires liés aux grossesses non désirées en milieu scolaire ont monté en direction communale de l'enseignement à Matana, province de Bururi. La cause, ce sont les projets en cours d'exécution dans cette province, notamment la construction du barrage Djidjimuremge et la RN16 Bururi-Gitega. Cela a été dit par Sabiyoum Vantoine, directeur provincial de l'enseignement à province de Bururi. Il demande à tous les responsables de conjuguer les efforts afin de diminuer ces chiffres des abandons et grossesses non désirées en milieu scolaire. Écoutez plutôt Sabiyoum Vantoine, directeur provincial de l'enseignement province Bururi. Les abandons liés aux grossesses, nous voyons que les chiffres commencent à monter à Matana, dans la commune scolaire de Matana. Quelle est la cause de cette montée en commune Matana? À Matana, il y a un mouvement de personnes liées aux deux projets de grande envergure qu'on observe dans notre province, et surtout la construction de la route RN16, aussi au projet de la construction du barrage de Djimulem. Nous voyons que le gros du personnel loge à Matana, et là aussi nous avons vu que il y a des jeunes qui ont changé de comportement, donc l'encadrement de nos jeunes devient vraiment difficile, donc voire même compliqué. Donc ça cause des problèmes. Qu'est-ce que la direction provinciale de l'enseignement en province de Bururi est en train de faire pour le moment afin de diminuer cette montée des taux de grossesse non désirée chez les élèves? Oui, nous avons déjà commencé. C'est un travail de tous les jours. Dans toutes les réunions que nous tenons, à l'endroit des responsables scolaires, à l'endroit les responsables des confessions religieuses et parents d'élèves, nous avons intimé l'ordre à ce que tous les responsables scolaires, surtout les chefs d'établissement, que ce soit au salut du drapeau, doivent glisser un mot en rapport avec la lutte contre ces grossesses en milieu scolaire. Quel est le message lancé à l'endroit des parents ou peut-être des élèves? Oui, le message que nous pouvons donner, c'est ce que nous avons toujours donné. Il faut donner des conseils, il faut montrer les conséquences des grossesses en milieu scolaire, les conséquences qu'on peut attraper même des maladies bien graves. Donc, à l'endroit des jeunes, il faut se concentrer plutôt sur les études, parce qu'ils constituent le Burundi de demain. Nous voulons alors que ces jeunes restent quand même en bonne santé. Le DPI Bururi a été joint au téléphone par mon confrère Médar Niyonguru. Donner les mêmes opportunités aux femmes comme aux hommes pourrait augmenter la production de 2,5% à 4%. Ceci a été dit ce lundi par le vice-représentant du réseau des femmes parlementaires francophones dans un atelier de formation des membres de l'association des femmes parlementaires du Burundi sur l'autonomisation économique des femmes en milieu rural. La présidente de cette association a indiqué que l'égalité des genres est une question d'intérêt national pour le Burundi. Les détails avec Arthur Kavabushi. Selon le représentant de ce réseau de parlementaires francophones, l'amélioration de la vie des femmes rurales est essentielle pour lutter contre la pauvreté et la faim. Un quart des femmes dans le monde vivent en milieu rural et qu'elles représentent 37% de la main-d'œuvre agricole rurale. Et que dans certains pays, comme le Burundi, la population vit à 90% en milieu rural, et que les femmes représentent 55% de la main-d'œuvre agricole. Face à tout cela, il apparaît plus qu'important d'agir concrètement pour l'intérêt de toutes et de tous. En effet, l'amélioration de la vie des femmes rurales est essentielle pour lutter contre la pauvreté et contre la faim. Donner aux femmes les mêmes opportunités qu'aux hommes pourrait augmenter la production agricole de 2,5 à 4 % dans les régions les plus pauvres, et le nombre de personnes sous-alimentées pourrait être réduit de 12 à 17 % selon les calculs de l'ONU. Quant à Patrice Ndouimana, présidente de l'Association des femmes parlementaires du Burundi, l'égalité des genres et l'autonomisation de la femme sont des questions d'intérêt national. L'égalité de genre et l'autonomisation de la femme sont des questions d'intérêt national. Le Burundi a une population estimée en 2019 de 12 998 875 habitants. La population masculine représente 41,1% de la population totale et celle féminine 50,9%. Les femmes sont donc majoritaires dans le pays. Or, leurs conditions de vie socio-économiques interrogent aussi la prise en compte de leurs besoins. L'objectif général de cette activité est d'informer les parlementaires sur les obstacles rencontrés par les femmes rurales et d'échanger des points de vue pour trouver des stratégies visant à favoriser l'autonomisation économique des femmes. Cet atelier vise à mettre en place des stratégies visant à rendre autonome la femme rurale. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Parlons agriculture à présent. Les graines de maïs collectées par l'État sont en vente à l'Agence nationale de gestion de stock, du stock de sécurité alimentaire en sigle à 970 francs le kilo. Annonce faite ce lundi par le secrétaire permanent au ministère ayant l'agriculture dans ses attributions. Dans un point de presse, Emmanuel Ndolimana précise que les communes ont l'obligation de punir les spéculateurs. Le point avec Moïse Misago. 14 000 tonnes de graines de maïs ont été collectées depuis avril de cette année dans tout le pays. Ces graines de maïs ont été stockées dans les hangars des communes. Le prix fixé à la vente est de 970 francs par kilogramme. Emmanuel Ndolimana, secrétaire permanent au ministère ayant l'agriculture dans ses attributions, précise que tout acheteur doit payer à la banque ou dans une microfinance le montant équivalent à la quantité voulue. Après la campagne d'achat et de collecte du maïs, vous voudrez porter à la connaissance du public qu'il veut procéder à la remise sur le marché de cette production afin que la population puisse s'approvisionner selon leurs besoins. Il faut payer au niveau des banques ou des institutions de microfinance des montants équivalents à la quantité voulue. Toute personne a le droit de s'approvisionner du maïs dans n'importe quelle commune pourvu qu'il y ait un surplus. Concernant le transfert d'une commune à l'autre, il n'y a pas de problème. Au niveau de chaque commune, ils sont tentés de voir comment la quantité qui peut suffire la commune et dégager le surplus. C'est ce surplus qui sera transporté dans d'autres communes. Au marché ou à la boutique, le prix de graines de maïs sec ne doit pas dépasser 1080 francs, un prix fixé par le gouvernement. Le cas contraire, l'administration communale à l'obligation de punir des spéculateurs, ajoute Emmanuel Ndolimana, secrétaire permanent au ministère ayant l'agriculture dans ses attributions. On est en train de vendre son maïs au niveau des communes et là, les communes sont bien organisées pour sanctionner toute personne hors la loi. On arrive même à confisquer la quantité de sucre trouvée frauduleuse. Je pense que pour cette question, la commune est bien outillée pour punir ces gens qui spéculent. L'acheteur de ces graines de maïs doit payer la taxe communale de 10 francs par kilo et cette taxe est sanctionnée par une quittance reçue de la part d'un agent percepteur de la commune. Merci à Moïse Misago pour tous ces détails. Les gens qui cherchent du riz et du maïs grognent suite à la montée du prix de ces produits en commune Rugombo. Nous sommes dans la province de Cibitoke. Que ces gens lisés indiquent que cette montée est due à la coopérative qui collecte les récoltes du riz, surtout qui les transporte vers la province de Gitega pour la transformation. Le cas de la coopérative SIAP collecte ces produits est connu des autorités administratives et provinciales et le BPAE de Cibitoke au sein du comité mixte local de sécurité à Rugombo. Le commissaire communal de la police indique que la question sera soumise aux autorités hiérarchiques. Les détails avec Alexis Ndayiragich. Le kilo du riz qui s'achetait entre 1400 et 1500 francs s'achète pour le moment à 2200 francs pour. Le kilo du maïs qui s'achetait dernièrement à 680 francs pour s'achète à 1500 francs pour. Ceux qui cherchent ces produits décrivent la montée de ces prix. Ils indiquent que le riz est produit surtout dans la commune de Rugombo qui ne comprennent pas cette rareté. Cette dernière, selon les explications des commerçants et des agriculteurs, elle est due à la coopérative d'investissement Agropastoral, SIAP, ainsi que qui collecte les récoltes du riz et du maïs qui circulent partout le riz est transporté vers la province de Gitega où se fait la transformation. Après cette transformation à Gitega, les commerçants se ravitaillant dans cette province revendent le riz à Rugomba à un prix élevé. Cette situation de la coopérative d'investissement agropastoral SIAP en SIC, qui collecte le riz et le maïs, est reconnue par les autorités administratives et le bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. Ces autorités ayant également reçu des grognes de la population qui cherche ces produits. Dans la réunion du comité mixte local de sécurité de Rugomba de la semaine dernière, cette situation a été soulevé. Le vice-président de ce comité, en même temps commissaire communal de la police à Rugomba, a indiqué qu'il va soumettre cette question à ses autorités hiérarchiques. Signalons qu'avec la collecte de ces récoltes par la SIAP, a fait que le prix du son de riz est allé de 400 à 800 francs pour les propriétaires de décorotuques et également grogne qu'il manque du travail et que la pauvreté commence à s'observer dans le ménage. Depuis Tibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Merci à Alexine Dairagije pour tous ces détails. Certaines filles et femmes ont déjà embrassé les métiers réservés aux hommes. Douayez Florence, une fille de la colline Kibimba, zone des communes Muhanga de la province Kayanza, pratique la maçonnerie. Cette fille apprécie ce métier. Selon lui, elle parvient à couvrir ses besoins, même si l'entourage ne parvenait pas à lui comprendre. Abouniman Nandas, secrétaire permanent chargé du développement commune Muhanga, affirme l'émergence de la femme dans les travaux réservés aux hommes. Les détails avec Lydie Gahimbari. Nous sommes sur la colline Kibimba, zone et commune Muhanga, dans la province Kayanza, où se trouve un chantier de construction. Parmi les maçons qu'on y trouve, on rencontre aussi une fille. Elle raconte son parcours. Après la formation technique section maçonnerie, Doyeuse Florence s'est lancée dans le métier malgré l'entourage. Cette fille parvient à satisfaire ses besoins grâce à son métier. Félix Mukamalakiza, un homme qui travaille également sur ce chantier de construction, apprécie le courage de cette fille. Il précise qu'elle travaille comme les hommes. Habimana Londa, secrétaire permanent de la commune Muhanga, reconnaît la contribution de cette fille dans le développement, surtout dans la construction d'une école et d'un marché moderne. La place de la femme dans le développement de la commune contribue beaucoup dans différents secteurs. Florence a contribué dans la construction d'une école quelconque, aussi dans la construction du marché moderne de Muhanga. Nous reconnaissons leurs efforts parce que contribuent beaucoup dans la sensibilisation de leurs sœurs et aussi de l'entourage. Cette fille appelle ses consœurs à se lancer dans n'importe quel métier car les filles et les femmes, selon lui, sont capables comme les hommes. Radio Isanganiro, chronique sport. Un arbitre de kung-fu commence son métier après une formation qui dure entre 3 et 6 mois. Yves Nirenganya, président de la Fédération burundaise de kung-fu, fait savoir qu'il commence à arbitrer les compétitions en tant que stagiaire sous la supervision de l'arbitre central. Après 10 matchs, quand il affiche un comportement digne, il doit commencer à arbitrer seul les compétitions. Les détails dans cette chronique avec Marie-Claire Cazenette. Avant de commencer son métier, un arbitre de kung-fu doit d'abord bénéficier d'une formation qui dure entre 3 et 6 mois. C'est l'explication de Yves Nirenganya, président de la Fédération burundaise de kung-fu. Les critères sont un peu internationaux, puisque dans des compétitions internationales, il y a toujours des règles à suivre. Quand on est arbitre, alors on doit faire des formations, on doit peut-être vous êtes venu d'un club ou d'une autre. Toujours c'est la qualification. Quand on qualifie quelqu'un comme arbitre au niveau national. Donc chez nous, les arbitres font des formations pendant 3 mois ou 6 mois. Il ajoute que cette formation est dispensée par les experts de nationalité chinoise. Il y a des gens qui sont qualifiés avec expérience. Mais pour nous, lorsque nous étions en Chine, nous avons bénéficié de la formation d'arbitrage. Et cette formation nous a permis de former les autres et d'améliorer aussi la condition en fait d'arbitrage au niveau de la compétition ou bien des compétitions nationales ici au Burundi. Mais nous avons quelques aides venant de l'ambassade de Chine et aussi de l'Institut Confucius. Il y a un expert un Chinois qui est professionnel en kung-fu et aussi en arbitrage. Nous allons collaborer, coopérer ensemble et voir comment on peut améliorer aussi la condition de l'arbitrage au niveau des compétitions nationales. Ce président de la Fédération burundaise de kung-fu fait savoir qu'un arbitre commence à arbitrer les compétitions en tant que stagiaire sous la supervision de l'arbitre central. Quand il a déjà fait une formation, si c'est intense, c'est 3 mois, ça dépend au fait des programmes que vous avez pendant des semaines, je ne sais pas. Mais quand on termine au fait à apprendre tout, à faire tout ce qu'on demande dans l'arbitrage, donc vous êtes capable d'arbitrer un match, mais sous la supervision d'un expert. Mais une fois terminé, vous aurez aussi à arbitrer quelques matchs de combat, 4 ou 3. Et enfin, vous serez qualifié à avoir un titre aussi d'arbitrage au niveau national. Dans la prochaine chronique sportive, Yves Nirenganya expliquera les critères pour devenir un arbitre international et les sanctions infligées aux arbitres qui violent les règles régissant le sport de kung-fu. Voilà, c'est sur cette chronique sur VAM, cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Innocent Ibounimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Everest Ndiko Manyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous. Oh.